c'est une féministe, une déracinée du bassin parisien, qui se fait bassiner, qui roule du bassin. C'est une féministe qui va au ciné pour halluciner, rouler du bassin, revoir Jules Dassin, revoir Jules Dassin, revoir Jules Dassin. C'est une féministe qui va au ciné, où le machiniste fait que s'échiner sur du téchiné. Elle est vaccinée, elle est majeure, elle lève son majeur, on réclame Jean Mineur, s'en sert bassiné, s'en sert bassiné, s'en sert bassiné. Car de son bassin, elle joue à dessein, et elle joue dessin, je vous fais un dessin de cabu de ciné. Elle va au ciné sur son 31, se faire assassiner, car au 21 habite l'assassin, habite l'assassin, habite l'assassin.